Il n'est pas question que je plie. Jamais. J'ai trop peur De de ce quoi? qui m'attend si je plie. Je parle après. Après l'existence physique? Je suis sûr que c'est conséquentiel. Je Ben suis là, sûr tu que. crois quand même pas que les gens peuvent aller en enfer ou au Mais c'est la paradis? question, David, c'est quoi l'enfer dans le fond? C'est d'être privé de. La présence de Dieu dans C'est l'univers. d'être. Ça peut être plusieurs affaires. Moi, pour moi, l'enfer, ce serait que ça continue après. C'est drôle à dire, hein? Moi, ce serait ça pour moi, l'enfer. Donc, il y a de la vie après la Comme. mort pour la conscience. Ah! Moi, là, ce que je souhaite, là, c'est blackout. Sincèrement, c'est j'ai fini par c'est vraiment ça que je voudrais. Puis je sais que c'est pas ça. Bon, au moins, tu sais, avoir la paix un peu. Mais il reste que ça va complètement contre l'instinct de préservation humain. Hein, puis ça, je me suis rendu compte, c'est j'écoutais des fois, ben justement, bon, comme on va prendre un. Mettons du monde qui parle de spiritualité comme Richard Glynn, il disait, sans exception, tous les humains ont peur de la mort, sans exception. C'est complètement faux. Je l'ai vu avec des proches que c'est faux. Je veux dire, du monde qui avait aucune peur de la mort, j'en ai vu. C'était l'évidence même, je veux dire, c'était incontestable. Puis là, il dit, ouais, mais c'est pas pareil du monde fou, suicidaire. Non, non, je parle du monde qui ont bien vécu puis qui sont arrivés là. C'est ça, moi, qui me fait de la peine. J'aimerais ça faire partie d'un peuple qui est moins ridicule un peu. Moins con un peu. J'ai l'impression qu'on s'est fait tellement abrutir. Puis on est C'est ça, toujours moi, qui me abruti, dérange. c'est toujours en cours l'abrutissement de masse, puis le nivellement vers le bas, puis le formatage, le lavage de cerveau collectif, la pensée unique au Québec. On a vécu sous un dôme idéologique pendant la période dite de pandémie, mais c'est pas parce que la période a pris fin que c'est fini. Ben, tu sais, moi, c'est comme, j'ai dit dès le début que je m'adressais à du monde qui vont bien. Que je m'adresse pas à du monde qui ont des problèmes parce qu'ils vont s'en créer d'autres s'ils m'écoutent. Mais le Tu problème, sais, c'est que c'était les des. gens qui vont bien, dans le sens qu'ils sont lucides, qui sont ajustés, il y en a presque pas. Ouais. Puis moi, je t'allais dire au monde, ce qui est important, entre autres, c'est les vieilles valeurs. Tu sais, votre famille, vos proches, Mais je puis suis d'accord avec toi. voilà. Ben, il y en a qui prennent ce que je dis au sens littéral. Mais ben, moi, s'il y en a qui sont issus de la Manson Family, c'est pas de ma faute. Tu sais, dans le sens qu'il y en a qui ont suivi de façon littérale des conseils sans le contextualiser pour eux. Ce que je dis, c'est pas à prendre au sens littéral, c'est du cas par cas. Moi, dans mon cas, j'ai misé sur ça, puis j'ai bien fait. J'ai pas de regrets. Mais c'était ajusté dans mon cas. Je veux dire, si j'avais une famille de fous, je voudrais rien savoir. Mais c'est pas le cas. Donc, tu sais, c'est des choses tellement, je veux dire, on est rendu au point que même les affaires simples, on s'est tellement fait compliquer la vie pour rien, puis on s'est tellement fait bourrer le crâne qu'on voit plus, Des on voit plus évidences. les, ben là, c'est évident que ce que je dis, c'est pas des recettes qui s'appliquent.